Bonjour cher Xavier et bonjour à tous. De quoi parle-t-on quand on parle de transition ? Une transition est ce qui désigne le fait de passer d'un lieu à un autre ou d'un état à un autre. Le terme en lui-même ne détermine ni le point de départ ni le point d'arrivée. La transition est une traversée dont on ne connaît pas l'issue ni les modalités, à propos de laquelle on ne connaît pas grand-chose en fait, si ce n'est qu'au cours de cette traversée, quelque chose va changer. Et c'est ce quelque chose que nous allons interroger cette semaine, de la transition écologique à l'adaptation politique des transsexuels au devenir bergsonien. Y a-t-il une littérature assez grande pour qu'on l'excuse d'entraîner le rejet et l'ostracisme dont sont victimes les personnes différentes ? Personnes qui, dans un autre espace-temps, pourraient être vous ou moi. Quelle est la vie sexuelle de Hegel ou de Heidegger ? Voilà. C'est bien le sujet de votre prochaine dissertation. Si l'on vient au Playboy, ce n'est pas tant pour les idées philosophiques de M. Hefner que pour les benignes. Et cette idée de péché vient compromettre le succès de la contraception. Une personne qui comprenne ma langue et qui la parle même. C'est qu'il n'y a pas que mon corps qui a changé. De toute façon, je t'ai toujours considéré comme une femme qui était là dans la maison. J'ai jamais eu l'impression que t'étais ma mère. Et moi, j'ai jamais eu l'impression que t'étais mon fils. Par contre, j'ai l'impression que t'es ma fille. Bonjour Paul Preciado. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Melville Poupeau dans le film de Xavier Dolan, Lawrence Anyway, celle du penseur de la déconstruction Jacques Derrida, celle de Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, autant de voix qui vont nous accompagner aujourd'hui, avec vous bien sûr Paul Preciado. Est-ce qu'on peut dire d'une personne trans qu'elle est en transition ? Ça dépend en fait. Il y a des personnes trans en fait qui s'affirment en transition et qui préfèrent la transition au point d'arrivée. Mais par contre, il y a aussi en fait un langage plus normatif de la médecine, un langage juridique, qui évidemment va penser que la transition, c'est qu'est un moment, qu'est une période, et qu'après, effectivement, il faut accomplir les passages d'un sexe à l'autre, d'un genre à l'autre. Parce que le trans de transsexuel signifie qu'il y a un entre-deux. Toute la question est de savoir si cet entre-deux est une destination à atteindre, une identité en soi, ou un passage, justement, d'un sexe à un autre. Exactement. Peut-être plus qu'un entre-deux. Effectivement, une traversée, un processus de transformation, une mutation, donc un changement. Dans les sens, je dirais, en fait, dans les sens politiques du terme, une révolution. Mmh. Une révolution. Une révolution, ouais. Pour moi, c'est comme ça que j'entends la transition. Je l'entends comme un processus révolutionnaire, ne pas dans le sens où on entend d'habitude la révolution, c'est-à-dire usage de la violence pour la transformation d'une structure politique, mais plutôt, en fait, la transformation de l'architecture même institutionnelle qui constitue la base d'une société. Donc dans ce sens-là, je pense qu'une transition, effectivement, c'est une révolution micropolitique. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour commencer cette semaine sur la transition, car dans votre travail, Paul Preciado, vous montrez à quel point l'expérience, la narration de l'expérience et la réflexion plus théorique vont de pair dans le cas d'une transition qui est celle que vous décrivez. Vous êtes fait connaître, pour ceux qui vous ne connaissent pas encore, en 2000 avec votre manifeste contrasexuel qui est devenu depuis un classique dans la littérature queer. Et puis en 2008, Testo Junkie qui se présente comme un essai corporel, alors un protocole d'intoxication volontaire à base de testostérone synthétique. C'est en fait une auto-expérimentation, vous vous présentez comme un auto-cobaye et vous décrivez l'effet qu'a eu sur vous l'injection de testostérone pendant 238 jours, je ne sais plus quel est le nombre de jours exact. En fait là oui, là c'était plutôt pendant 9 mois. Les 9 mois pendant lesquels j'écris les livres. Mais ouais, quelque part, en fait, c'est comme si j'avais eu besoin d'écrire ces livres et donc de prendre l'écriture comme une technologie de transformation de la subjectivité pour faire barrage au discours normatif de la médecine, de la science, de la loi, qui justement, en fait, présente un parcours unique de la féminité à la masculinité. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ces projets, ces processus, pour moi l'idée n'était pas du tout en fait de devenir un homme, mais plutôt d'ouvrir un processus d'expérimentation et donc une transition, cette révolution micropolitique, et donc d'expérimenter une transformation totale de ma subjectivité. Et donc cette transformation, elle est encore à l'œuvre. Mais ça veut dire que c'était une curiosité théorique en fait de votre oui, part. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, c'est un projet... Comme Freud qui a pris de la cocaïne pour voir ce que ça faisait. Exactement. Ouais. Il y a un ensemble des penseurs autocobayes sur lesquels je m'inspire, effectivement. C'est Walter Benjamin avec les hashis, Bulgakov avec la morphine, Burroughs avec l'héroïne, etc. Et donc Freud avec la cocaïne. Souvent avec des substances qu'on va penser qui sont des substances interdites. Mais j'ai compris après, par la suite, qu'effectivement, les hormones... soi-disant les hormones sexuelles sont pensées aussi comme des substances interdites. Donc effectivement, puisque on ne peut pas avoir accès à ces substances en dehors d'un cadre des changements de sexe ou des changements de genre, notamment quand on a été assigné fille à la naissance. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est bon, à travers un réseau d'amis, me procurer en fait la testostérone et commencer un processus d'intoxication volontaire. Et qui était en même temps en fait une recherche philosophique, et politique, théorique, une recherche d'écriture et des transformations de mon corps et de ma subjectivité. Et pour moi en fait c'est un projet philosophique. Ouais, c'est comme ça que j'entends en fait pour moi la transition dans ce sens-là. C'est vraiment une des questions centrales de la politique et de la philosophie contemporaine. Mais c'est un processus qui est irréversible. Pas du tout, pas du tout. En fait, si vous voulez, il y a tellement... c'est-à-dire que la culture populaire, les médias, la médecine, en fait, ont créé tellement une mythologie tellement large et totalement abracadabrante, en fait, autour de la transsexualité, qu'on pense, en fait, qu'il y a une irréversibilité, mais absolument pas, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, j'ai arrêté de prendre la testostérone comme je fais aujourd'hui, bah, il y aurait une transformation à nouveau de mon corps. Et même, quand bien même, en fait, je pourrais aussi recommencer un processus des changements d'identité juridique, puisque aujourd'hui, en fait, il y a un passeport masculin, mais il n'y a rien d'irréversible, en fait. Tout simplement, en fait, bon, voilà, ça c'est encore une autre discussion, mais tout simplement parce que la masculinité et la féminité n'existaient pas en tant que nature, mais plutôt, en fait, en tant que processus culturel, aussi bien sémiotiques que techniques, qui vont être à différents niveaux de construction. Donc, et comment vous vous présentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis un homme trans. En fait. Homme trans. Oui, tout à fait, parce que voilà, je porte maintenant, je vis à l'intérieur de ma propre fiction politique, donc je ne peux pas échapper. De la même manière que personne ne peut échapper, c'est-à-dire vous aussi, hein, on vit tous à l'intérieur de cette fiction politique. La différence, si vous voulez, c'est que vous pensez que cette fiction elle est naturelle, que c'est la vôtre, que voilà, que ou vous que je me sens à l'aise dans cette fiction, que je suis pas en conflit avec elle. Tout à fait, mais je pense qu'il faut, moi ce que naturelle, je voudrais. Naturelle, je pense pas en revanche. Parfois, je me dis, en fait, ce qui est important, c'est vraiment comme un processus d'émancipation cognitive, en fait. C'est pas tellement la chose, enfin, la question, c'est de dire, bon, je ne suis pas une femme, bon, chacun, enfin, si, c'est pas, moi, par exemple, en fait, évidemment, je suis dans un processus de construction technique de la masculinité, d'un certain type de masculinité. Voilà. Donc, je vais pas me poser, en fait, à la construction d'une féminité ou autre. Mais c'est plutôt une émancipation cognitive. De se dire, en fait, oui, c'est pas, en fait, quelque chose de naturel. Mais c'est tout un ensemble des techniques, aussi bien des techniques du corps que des techniques de gouvernement. Donc évidemment, par exemple, un passeport, si on n'a pas, qu'on en est trans, par exemple, c'est-à-dire qu'on en a commencé un processus de transition endocrinologique, c'est-à-dire on a commencé à prendre des hormones, si on n'a pas accès à des papiers des changements de sexe ou des changements de genre, bah, évidemment, on se trouve politiquement fragilisé et on devient vraiment un corps extrêmement vulnérable politiquement. Donc c'est très important aussi de comprendre la multiplicité, ce que j'appelle des prothèses politiques, l'ensemble en fait des dispositifs sémiotechniques qui vont construire cette fiction politique que les genres et qui vont faire que vous pouvez, enfin, vous donner en fait la possibilité de vivre socialement dans ces genres-là. Donc aujourd'hui, avec cette fiction politique que je représente, bah oui, je m'identifie en tant qu'homme trans et ça me va très bien, voilà. Il pourrait s'agir d'une scène tirée d'un cauchemar ou du moment paroxystique d'une fiction pataphysique. C'est cependant un événement banal dans la vie quotidienne d'une personne trans en attente de son changement légal d'identité. À l'exclamation « Mais ce n'est pas vous !» j'ai parfois envie de répondre « Bien sûr que ça n'est pas moi. Montrez-moi votre passeport et dites-moi si c'est vous ou non. » Mais nous voilà cloués, l'agent et moi, rejoint la scène centrale de Hegel, indépendance et suggestion de l'autoconscience, domination et servitude. Je fais pas le malin. Je sais bien que dans cette scène, mes choix le rôle de l'esclave et non celui du maître. Je retourne au bercail de la reconnaissance. Les frontières du jeu du langage sont pleines d'institutions, de réclusion et de punition. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais homosexuel ? Parce que je suis pas homosexuel. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais homosexuel ? Est-ce que tu m'imaginais un homme ? Je ne suis pas homosexuel, Fred. Hey, arrête de me niaiser, tabarnak. Laurence, t'es fif, t'es gay. C'est pas la fête du monde, t'es gay. Ok, Fred, c'est pas que j'aime les hommes. C'est que je suis pas fait pour en être un et c'est différent. Hein ? Tu vois, ça, c'est pas moi, ça non plus, c'est pas... Ça non plus, ça me dégoûte, c'est pas moi, ça, Fred. Ça fait 35 ans que je vis comme ça, et c'est un crime. Et j'ai ce crime sur la conscience. Et je suis un chien de voler sa vie à cette personne. Qui tu voles sa vie, Laurence ? À celle que je suis née pour être. Fred. Tout ce que moi j'aime de toi, c'est ce que toi, tu détestes de toi. C'est ça que tu me dis. C'est ça. Ça, c'est tout ce que t'aimes de moi. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu, ça n'a pas existé, Laurence. Tout est à réinterpréter. De l'expérience à la fiction, vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, c'est le premier temps d'une série d'émissions sur la transition. Aujourd'hui, sur la transsexualité, y a-t-il une identité trans, en compagnie de Paul Preciado, dont je viens de lire un extrait de son texte « Un appartement sur Uranus », qu'on trouve aux éditions Grasset. Et je raconte la scène où à la douane, un agent vous demande votre passeport, regarde la photo, et vous étiez en processus de transformation sexuelle à ce moment-là, et il vous dit « bah c'est pas vous », vous dites « bah non, c'est pas moi, mais vous, c'est pas plus vous sur la photo ». Et juste après, on a entendu un extrait de Lawrence Anyways, le film de Xavier Dolan, où l'acteur Melville Poupeau, donc qui joue cette personne qui s'appelle Laurence, dit à Fred, à sa copine, bah voilà, mais en fait je suis pas la personne que tu croyais, j'ai toujours été une femme et je voudrais devenir celle que j'étais. Ce genre de fiction, on y est habitué si on les a regardées. Mm-hmm. C'est exactement tel qu'on s'imagine que ça pourrait arriver. Quand on lit votre texte, c'est un peu différent. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'un film comme Laurence Anyways, Paul Preciado ? Pourquoi pas, en fait. Moi, je pense qu'il y a une multiplicité des manières d'être trans, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout l'identité trans, l'identité en tant que telle. Ça veut dire quelque chose, d'ailleurs, identité trans ? Bah oui, il y a une identité trans aussi qui a été construite aussi bien par le discours médical à partir de la fin des années 40. Ça commence avec Henry Benjamin et après ça va continuer en fait avec John Money, avec tout un ensemble en fait des médecins qui vont se spécialiser justement dans cette transition du genre de la sexualité. Mais il y a aussi les mouvements aussi bien transsexuels que transgenres qui ont beaucoup lutté pour la reconnaissance des droits des transsexuels. Donc dans ce sens-là, si vous voulez, moi je suis totalement solidaire en fait des démarches, des mouvements micropolitiques trans, mais après je ne suis pas d'accord avec un certain récit de parcours trans. C'est-à-dire c'est un récit dominant selon lequel finalement, par exemple dans mon cas, il faudrait dire que j'étais né en réalité à l'intérieur de moi homme et que j'étais donc un âme d'homme. Ce que dit le personnage voilà, du film. Voilà, exactement. D'ailleurs. J'ai toujours été une femme. Et exactement, oui, mais c'est les discours, si vous voulez, dominants aussi de la médecine. Moi, ce qui m'avait intéressé quand j'ai commencé à travailler en fait sur les discours médicaux autour de la transsexualité, c'est qu'il y a vraiment une métaphore architecturale. C'est-à-dire qu'en fait, les corps est pensé vraiment comme une façade, comme une architecture extérieure, et à l'intérieur de laquelle s'éloge un âme, enfin l'âme. et que finalement c'est l'âme qui porte les genres, alors que les corps, les bâtiments, on va dire, en fait, l'architecture et les sexuels. Donc ce qu'il va falloir faire pour la médecine, c'est mettre en accord la façade et l'intérieur, donc tout un processus qu'on pourrait dire avec Derrida, des déconstructions, mais c'est dans ça. Le sens architectural du terme, donc déconstruire. C'est vrai que parfois, moi-même dans mon parcours, je me suis senti vraiment en travaux. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait voilà, on est dans toute une entreprise, on fait des transformations et donc des travaux, des mutations architecturales. Mais à ce moment-là, pourquoi pas aller bien au-delà de ce que propose le discours médical, que c'est justement en fait commencer des travaux pour aussi tôt que possible en finir, et donc arriver soit à la féminité, soit à la masculinité, évidemment, c'est réintégrer socialement à nouveau dans une sexualité hétérosexuelle. C'est ça aussi que propose la médecine, il faut le savoir. C'est-à-dire que souvent, on va penser qu'effectivement, on va devenir homme ou femme, et qu'après, on va évidemment retrouver une orientation sexuelle hétérosexuelle. Se marier et avoir beaucoup d'enfants. Enfin, ça, enfant, non, parce que ça, c'est une question beaucoup plus complexe, puisque la médecine traditionnelle a pensé les corps transsexuels comme un corps stérile. Et donc, beaucoup des protocoles des changements des sexes, avant, maintenant, en fait, c'est une question qui est très discutée à l'intérieur de la médecine transsexuelle, mais avant, souvent, en fait, on pratiquait des opérations, effectivement, des stérilisations. Et donc, du coup, les corps trans étaient pensés vraiment comme un corps non reproductif. Quelque chose qui est très intéressant aussi. Donc du coup, si on pensait au corps trans comme un corps hétérosexuel, en devenir hétérosexuel, en tout cas, jamais en fait au centre d'une cellule reproductive, en fait, comme la famille ou autre. Mais en tout cas, c'est j'y respecte, si vous voulez, en fait, les trans que je connais, en fait, qui sont dans ces parcours, pourquoi pas. C'est simplement pas les miens. C'est pas le vôtre. Mais justement, puisque vous présentiez le corps comme étant une façade éventuellement en travaux, qui essaierait de s'accorder avec une âme intérieure qui, dans c'est certains pas, c'est cas... pas moi qui présente voilà. ça comme ça. C'est un discours. Ça, c'est les discours. C'est pas, mon âme est féminine, mon corps est masculin, il faut accorder exactement. Mon corps à mon âme. Ça, c'est si vous voulez, c'est les discours qui vraiment commencent... je dirais, en fait, qu'il y a une longue tradition dont les racines, je pense, en fait, sont chrétiennes et après, même cartésiennes. Cartésiennes, évidemment, qui distinguent le corps de l'esprit. Exactement, exactement. Ouais. C'est pour ça, en fait, si vous voulez, que les discours autour de la transsexualité se trouvent, de mon point de vue, vraiment au centre de la métaphysique occidentale et au centre de la modernité. Parce qu'il fallait bien penser, pas uniquement qu'est-ce qu'un les sujets, en fait, quelle est la vérité, mais aussi quelle est la vérité sexuelle de ces sujets-là et comment ces sujets pourra dire la vérité sur lui-même. Voilà, donc là, comment cette âme s'est révélée par la parole et par les récits, et évidemment, on voit là toute la démarche de la science et de la médecine à partir du 19e siècle. Si vous pourriez voir un documentaire sur un philosophe, Heidegger ou Kant ou Hegel, qu'est-ce que vous désirez voir dedans? Leur vie sexuelle. You want a quick answer, OK? Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Quelle est la vie sexuelle de Hegel ou de Heidegger? Voilà, j'aimerais savoir. Pourquoi? You want a quick answer, you don't want justification of the answer, pourquoi? Parce que je crois que c'est ce dont ils ne parlent pas. C'est ce dont ils ne parlent pas. Alors j'ai envie qu'ils parlent de ce dont ils ne parlent pas. La question de la transsexualité est au cœur de la métaphysique occidentale, dites-vous Paul Preciado, quand on entend Derrida finalement dire que ce qu'il voudrait voir, si on pouvait lui proposer un documentaire sur Heidegger, Kant ou Hegel, c'est leur vie sexuelle, il révèle là ce que vous étiez en train de dire, à savoir que c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout exploré en philosophie. Mais au-delà de la question de la transsexualité, la sexualité même n'a pas de place en philosophie. Oui, je généralise, hein, mais paradoxalement, si paradoxalement, c'est-à-dire, elle n'a pas de place. On ne trouve jamais, en fait, un philosophe qui va parler de sa sexualité à la première personne et qui va parler et de son corps et de sa vie sexuelle à la première personne. Par contre, des philosophies de la sexualité et des corps à l'intérieur de la philosophie occidentale, vous trouvez, en fait, c'est-à-dire il y a une philosophie de la sexualité, d'ailleurs on pourrait faire toute une semaine encore, une philosophie de la sexualité chez Kant, il y a une philosophie de la sexualité chez Hegel, à savoir, bon, effectivement, là je pense que ça serait extrêmement intéressant, parce que je pense qu'on est au-delà de l'hétérosexualité, vu qu'en fait il s'agit vraiment des deux messieurs, à mon avis, en fait, que s'ils ont un rapport sexuel dans leur vie, donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment un degré de sublimation dans la philosophie extraordinaire, mais donc on va retrouver toute une philosophie de la sexualité jusqu'à Deleuze et Guattari, où la question de la sexualité est aussi centrale, jusqu'à Foucault, en passant par Derrida. Évidemment, cet extrait de Derrida était fondamental pour moi. Je l'avais même cité, en fait, dans mon livre Testo Yonki, parce que je me souviens, c'était quelque chose, en fait, que Derrida disait beaucoup dans ses cours. En fait, il en parlait, il disait, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière la pensée des y compris Husserl, par exemple, quelqu'un. Bon, n'en parlons pas de Heidegger, où effectivement, on pourrait dire que toute sa philosophie est un écran, une espèce d'écran de fumée, pour ne pas parler de sa sexualité. Et donc, en plus, derrière la question de la sexualité, il y a aussi la question de la pureté raciale, puisqu'en fait, on sait bien que les notions modernes de sexe, sexualité et race ont été inventés, ils sont apparus à l'intérieur de la même épistémologie coloniale tout au long du XVIIIe siècle. Donc finalement, je dis ça par rapport à Hegel ou à Heidegger, où la question justement de la pureté raciale est au centre de la production des sujets de la modernité. Et donc soit des sujets allemands ou autres, mais en fait, donc je pense aussi que c'est pour moi ce qui est important dans la question de la transsexualité, justement, c'est absolument pas, en fait, si vous voulez, tenir, ou plutôt, en fait, c'est détacher de la définition médicale psychiatrique, psychologique de la transsexualité, et commencer, en fait, à penser la transsexualité comme une notion philosophique. Donc donner vraiment en fait un caractère philosophique à cette notion. Et donc du coup, on pourrait retrouver toute une philosophie du sexe et de la sexualité. Et c'est dans cette démarche qu'est ma propre transition. Voilà. Mais alors justement, si on y revient et si on va encore plus loin dans ce que vous dites ou ce que vous proposez, une philosophie de la transsexualité, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'essayer de repenser un rapport, une réflexion sur la sexualité qui ne soit pas pris dans un prisme binaire? Parce qu'au fond, ce qu'on entend dans les fictions, et là, quand on diffusait Laurence Anyway, c'est ça. Finalement, c'est toujours ça. C'est homme ou femme, masculin ou féminin. Est-ce qu'il n'y a pas tout un espace, quand même, dans nos sexualités qui n'est pas réductible à un genre? Dans notre identité, ça me paraît presque évident qu'effectivement, on n'est pas toujours ou masculin, féminin, ou tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais même dans la sexualité. Finalement, c'est cette binarité-là qui est aussi oppressante pour la pensée que peut-être parfois le cogito cartésien, ben non, c'est pas toujours la pensée qui assigne le lieu du mais sujet. C'est bien que vous parlez là du cogito cartésien, parce que finalement on est au centre du problème. C'est-à-dire que cette binarité homme-femme, blanc-non-blanc, qui est à la base de l'épistémologie de la modernité coloniale, est aussi venir, en fait, c'est superposer à la question, justement, à la binarité corps récent au corps âme. Donc effectivement, c'est toute une déconstruction de la philosophie occidentale qu'il faut faire. Et là, je suis d'accord avec vous, quand on parle de transsexualité, ou je dirais plus en fait de politiques ou des micropolitiques trans, je dirais en fait que quelque part, il faut, j'insiste en fait, se détacher de cette notion médicale des transsexualités et parler plutôt des politiques trans. Et pourquoi pas des politiques de la transition, justement pour échapper à cette binarité, aussi bien homme-femme qu'hétérosexualité, homosexualité, y compris aussi bisexualité, en fait. Ce qui est quand même une entreprise extrêmement difficile, parce qu'elle implique de se mettre à dos, sans doute, ou de déconstruire, même au sens où Derrida employait ce terme, l'histoire de l'humanité, en fait, qui s'est construite à partir de ces normes. Ce que ça implique, et ce qui est très compliqué, et c'est pour ça que c'est peut-être les limites ou l'aspect délicat de parler de politique quand on parle de sexualité, c'est justement c'est de faire se rencontrer deux domaines qu'on préférerait opposer. Ça veut dire que le moindre de nos gestes, de nos désirs, serait ressaisi de manière politique et donc peut-être théorique. Et alors il y a quelque chose d'effrayant pour les sujets intimes que nous sommes. En même temps, vous dites toute l'histoire, mais je pense qu'on sait qu'on commence à travailler aussi bien sur l'histoire de la philosophie que l'histoire de la science, que cette histoire a beaucoup changé. C'est pas une épistémologie stable, bien au contraire. C'est une épistémologie en crise. On pourrait même dire en fait qu'à partir des années 40, l'épistémologie de la différence sexuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui et l'épistémologie aussi de la race sont en crise, fortement en crise. D'une part, parce qu'elles ont été mises en cause aussi bien par les mouvements anticoloniaux que par les mouvements des minorités sexuelles et de genre, mais aussi dans une crise épistémologique scientifique. C'est-à-dire que c'est aussi, si vous voulez, à chaque fois quand je pense en fait à ces questions au niveau philosophique, je pense aux techniques du corps, aux technologies des gouvernements et à ce que Foucault appelait les appareils de vérification. C'est-à-dire en fait l'ensemble des discours, des récits, des institutions qui, à un moment donné, permettent de définir la différence entre vérité et ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, à chaque fois, je pense qu'il faut penser à la transformation, au devenir, à la mutation de ces trois variables. Mmh. Et donc, ça fait très longtemps, au moins à partir des années 40, en fait, que donc, les appareils de vérification, qui avant étaient uniquement... on va dire scientifico-techniques, vont commencer à être fortement mis en cause et à être en concurrence avec des nouveaux appareils de vérification tels que les marchés, tels que les moyens de communication, les réseaux sociaux, etc. Mais de vérification de quoi ? De vérification de la différence sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, et des vérifications de la différence raciale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est un homme et ce qui est une femme, qu'est-ce que la vérité du sexe, qu'est-ce que la vérité de la race, aujourd'hui est au centre en fait d'une bataille aussi bien scientifique qu'est politique. Je pense qu'aujourd'hui, des points de vue scientifiques, il y a très très très peu de scientifiques qui continuent en fait à affirmer que la race est une vérité, si vous voulez, soit anatomique, soit biologique ou chromosomique. Mais par contre, au niveau, en fait, si vous voulez, de la différence sexuelle et du genre, il y a encore des théoriciens et des scientifiques qui, voilà, ils sont encore, en fait, si vous voulez, j'ai écouté qu'il y a eu une étude, en fait, récente et extrêmement importante, en fait, avec un financement très, très important pour savoir, effectivement, si l'orientation homosexuelle serait ou pas, en fait, d'origine génétique. Donc, voilà, c'est-à-dire cette recherche, elle est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et il y a vraiment, c'est un domaine des crises épistémologiques. Ouais. Donc, on est certainement, si vous voulez, au bord d'une transition, si on pourrait pas dire peut-être, en fait, d'une mutation des paradigmes pour penser aussi bien les corps qu'est la subjectivité sexuelle. La question n'est-elle pas celle de la vérité, justement ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme et pourquoi a-t-on besoin de parler de vérité en sexe, enfin, de vérité dans le domaine sexuel, dans le domaine scientifique ou dans le domaine politique ? Je vous propose qu'on écoute un extrait des Chroniques de San Francisco, la série qui est diffusée sur Netflix cette année notamment. Voici un extrait du premier épisode. Vous verrez comment le mot de vérité apparaît. Est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va. On ne fait pas de cachotterie à une vieille femme. En ce moment, c'est bizarre. J'ai un tout nouveau corps et c'est vraiment cool de ressembler enfin à ce que je suis réellement. Tu es un très beau jeune homme, Jake. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que mon corps qui a changé. La façon dont les gens me perçoivent est différente maintenant. Oui, je m'en souviens. C'est comme si tout ce que tu avais toujours connu avait été modifié. Ça vous a fait la même chose à vous ? Exactement pareil. Après ma transition, il y a des gens qui m'ont laissé tomber. Mais j'ai aussi rencontré des personnes extraordinaires. Je crois que je commence à être attirée par des mecs, Anna. J'ai toujours pensé qu'ouvrir son cœur à un grand nombre de personnes était souvent beaucoup mieux que l'inverse. C'est beaucoup de changements à gérer d'un seul coup. Tu sais, Jake, il n'y a que la vérité qui compte. Et voilà, les chroniques de San Francisco, hein, cette série inspirée des romans d'Armistead Maupin. Et donc le témoignage de celle qui se présente comme une vieille femme et qui, de toute évidence, selon l'extrait, est passée elle-même par un processus de transition sexuelle, dit bien, de toute façon, il n'y a que la vérité qui compte. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à cet extrait, Paul Bresciado, mais moi, c'est quand j'entends le terme de vérité que mes poils se hérissent. De quelle vérité parle-t-elle? Mais vous savez, en fait, la vérité, et c'est quelque chose en fait que Foucault avait déjà beaucoup souligné, la vérité, elle est au centre des discours sur la sexualité. C'est-à-dire que toute l'entreprise de la modernité, c'est faire dire au sujet la vérité sur lui-même à travers une identification avec sa sexualité. Donc c'est ce qui est au cœur, si vous voulez, de toute la démarche disciplinaire, psychiatrique. Donc c'est une intériorisation subjectivée, en fait, d'une vérité extérieure. La question, c'est pas simplement en fait qu'il y a une norme extérieure ou une institution, une discipline qui va vous dire en fait ce qui arrive par ailleurs au moment de l'assignation sexuelle dans la naissance ou bien avant, en fait, à la naissance aujourd'hui, qui va dire c'est une fille, c'est un garçon. Mais c'est plutôt, et ce qui est fascinant, c'est plutôt les processus par lesquels vous-même, les sujets, arriver à dire « moi, je suis un homme ». C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire comment on va s'identifier à un régime normatif, à un régime de pouvoir. Moi, c'est une chose qui m'a toujours fasciné, surtout, pas du tout en fait, des points de vue des hommes, hein, des hommes assignés aux mâles à la naissance, biologiques, etc. Mais plutôt des points de vue des femmes. C'est-à-dire comment et pourquoi. Pourquoi, en fait, donc tout un ensemble des corps politiques qui ont été assignés femmes à la naissance et qui donc ont un statut, voilà ce qu'on pourrait dire avec John Scott, des citoyennetés paradoxales, puisque les femmes, y compris aujourd'hui, ne sont pas encore totalement des sujets politiques, ne sont pas reconnues comme des sujets politiques, puisqu'ils sont à l'intérieur de leur corps des organes qui sont encore gérés par des institutions disciplinaires extrêmement fortes, voire l'utérus en fait. Donc c'est un organe qui n'appartient pas totalement aux femmes, puisque la question qui est au centre et qui est, quelque part peut-être on tourne autour, mais je pense qu'elle est au centre de tous les débats en fait, de la conversation qu'on vient d'avoir, c'est effectivement la question de contrôle et de gestion de la reproduction. De la reproduction qui est vraiment la force des travails par excellence. Alors, c'est-à-dire, vous dites que le fait que, puisque vous parlez de l'utérus justement, que l'utérus n'appartient pas complètement à la femme, ça a pour conséquence que la femme n'est pas vraiment une citoyenne? Oui, tout à fait. Quel est le lien? Ah, c'est un lien très très important. C'est-à-dire que vous savez, tout au long du 19e siècle, un discours selon lequel les femmes se doivent au travail de la reproduction et qu'effectivement il y a une antinomie, un antagonisme en fait entre reproduction sexuelle et politique rationnelle, rationalité politique. Et donc les femmes doivent faire le travail de la reproduction et laisser les hommes se couper, en fait, si vous voulez, de la police. La police dans le sens grec du terme, pardon, en fait, c'est-à-dire de la vie politique. Donc, tous les mouvements féministes à partir du 19e siècle, on peut dire, la fin du 18e siècle, en fait, avec les mouvements des citoyennes, c'est un mouvement de réappropriation du corps en tant que sujet politique et pas uniquement en tant que force de reproduction. Et ça, c'est un processus qui est encore ouvert aujourd'hui. C'est un processus qui va prendre, de mon point de vue, en fait, encore un siècle ou plus et qui va peut-être en fait changer. Et donc, à nouveau, la question de la transition se pose. Il va changer par l'irruption des technologies de la reproduction. De la même manière que les paradigmes et l'épistémologie de la différence sexuelle, elle a été de manière très forte percutée par l'invention des pilules anticonceptives et donc des techniques de séparation entre la reproduction hétérosexuelle et, si vous voulez, sexe et reproduction hétérosexuelle. Ce que vous dites, c'est que la pilule qui a été présentée comme un outil d'émancipation féminine, en réalité, n'a fait que normer encore plus. Je dis pas ça exactement. Moi, ce que je fais, si vous voulez, c'est que quand j'étais en train de donc d'écrire Testo Bianchi, de faire ces protocoles d'intoxication volontaire, etc., j'ai commencé à travailler beaucoup sur l'histoire politique des hormones. Notamment, je m'intéressais beaucoup à la testostérone. Et donc, suis allé, en fait, j'ai travaillé entre autres, en fait, à la bibliothèque à New York. Et comme vous savez, à New York, dans la bibliothèque, on peut accéder librement à la bibliothèque. Donc, on voit les livres. C'est quelque chose que j'adore, en fait. Voilà. Donc, on se perd à l'intérieur de la bibliothèque. Et là, bah écoutez, il y a 3 ou 4 livres sur la testostérone, hein. Mais par contre, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait vraiment tout un couloir sur la progestérone et l'estrogène. Je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais quand même lire quelque chose vu que je suis là en fait. Et donc là, j'ai découvert effectivement. Pourtant, toute ma formation est une formation féministe, donc j'aurais dû quand même savoir ça avant. Mais non, puisqu'en fait, effectivement, il y a même s'il y a eu en fait une critique très importante donc de cette appropriation ou cette expropriation des luthériens par la part du patriarcat, on peut dire, il n'y avait pas vraiment une généalogie politique des hormones et concrètement une histoire politique de l'invention de la pilule anticonceptive. C'est comme ça que je me suis mis en fait dans cette recherche qui après m'a paru totalement passionnante et que j'ai compris effectivement que quelque chose de totalement crucial était en train d'arriver après la Deuxième Guerre mondiale, autour des années 40-50, puisqu'en fait, au même moment, on va d'une part inventer pour la première fois une technologie, ce que j'appelle microprothétique, donc endocrinologique, biochimique, des séparations d'hétérosexualité et reproduction. Ça, c'est absolument crucial. Et deuxième chose cruciale, l'invention de la notion de genre qu'on utilise aujourd'hui, qu'on pense souvent qui a été inventé par les féministes, mais absolument pas. Elle a été inventée par la médecine psychiatrique des années 40. Et donc, entre autres choses, pour penser à la possibilité de transformer les corps pour produire la féminité et la masculinité de manière technique, et donc aux technologies aussi bien intersexuelles que transsexuelles, et troisièmement l'invention de la pornographie comme mass media, comme moyen de communication de masse, avec, entre autres choses, l'invention des Playboy. C'est pour ça qu'après, j'ai dédié tout un livre, en fait, à Playboy, parce que pourquoi quelqu'un comme moi, totalement queer, en fait, qui n'a jamais, en fait, été lecteur des Playboy. Mais par contre, j'ai compris l'importance absolument cruciale des Playboy, quand, effectivement, on va transformer la pornographie en une technique télémasturbatoire à l'échelle globale. Est-ce qu'aujourd'hui est tout simplement l'Internet? C'est-à-dire qu'en fait, oui, est-ce qu'il va faire le capitalisme des années 40? C'est réinventer des nouvelles techniques, des captures et des extractions de ce que j'appelle la potentia gaudendi. C'est-à-dire la force. Est-ce que normalement on dirait la force des reproductions, mais c'est pas uniquement la force des reproductions, c'est la force de créer, c'est la force de jouir, c'est-à-dire la puissance vitale. Et donc cette nouvelle technologie d'extraction de la force vitale ne sont plus disciplinaires et sont plus en fait des techniques extérieures d'extraction, comme avait été par exemple en fait la lucine, mais elles sont des technologies micro-prothétiques. C'est ce que vous appelez la société pharmacopornographique. Exactement, exactement. C'est vraiment une mutation qui est à l'œuvre encore aujourd'hui et qui, de mon point de vue, commence dans les années 40-50 et qui indique et signale ce processus des transformations et des transitions aussi. Ouais. C'est pour ça, en fait, si vous voulez, que la transition, c'est pas uniquement une décision volontaire. C'est pas, oui, je me suis rendu compte que finalement, bon, c'était pas totalement moi qui étais en transition, c'était la planète tout entière qui était en transition. C'était aussi, donc, il y avait tout un paradigme qui était en train de transitionner, en train de muter, en train de changer. Effectivement, on sait pas très bien où on va en fait dans cette transition, mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait il y a tout un ensemble des technologies qui sont aujourd'hui au service aussi bien du capitalisme que de la raison coloniale, on peut dire en fait, et qui travaillent, qui opèrent par des techniques totalement différentes que celles du 19e siècle. C'est-à-dire, les techniques du 19e siècle sont architecturales et orthopédiques, sont extérieures au sujet et extérieur au corps. C'est Lucine, c'est l'école, c'est la caserne, c'est la prison, etc. Donc c'est vraiment c'est des ensembles orthopédiques, des sexo-squelettes qui viennent en fait travailler sur les corps pour produire une forme de subjectivité. Mais on oppose, qu'est-ce qu'on oppose à ça ? Une intériorisation de la sexualité ? Exactement. Est-ce qu'on oppose à ça, si vous voulez, c'est une miniaturisation des technologies des pouvoirs qui va faire qu'à un moment donné, en fait, ce que je dis par rapport à la pilule, on va manger, on va avaler les panopticons. C'est-à-dire que pour moi, la pilule, en fait, c'est les panopticons comestibles, en fait. Et on va finir par avaler, intégrer... Panopticon, c'est une manière d'être surveillé, en fait, hein, aussi. C'est une surveillance, mais c'est vraiment c'est la fabrication d'une conduite, d'une temporalité, d'une anatomie corporelle. Donc vraiment, la segmentation aussi bien du corps que du temps, que de l'espace, mais ça s'est produit aujourd'hui, pas du tout en fait par des instances totalement extérieures, disciplinaires, etc. Mais d'une manière beaucoup plus complexe, puisque vraiment avant, par exemple, en fait, avec à l'époque des Marcus et des Foucault, évidemment, on pensait que donc quelque part, les plaisirs étaient une force révolutionnaire. Bien aujourd'hui, les plaisirs et la production des plaisirs est au centre des technologies de contrôle. C'est-à-dire que c'est comme ça que fonctionnent les téléphones portables, en fait, les applications Facebook, etc. C'est justement par captation, extraction de la potentia gaudendi, de la force vitale, de la force de jouir. Et donc par la production de plaisir, par des mécanismes, en fait, d'addiction. C'est pour ça aussi que la question des drogues, qui est au centre de mon travail, dans les sens où j'ai compris effectivement que la testostérone ou l'estrogène sont en dehors d'un cadre des changements des sexes, sont comme des drogues. Oui, la question des drogues est centrale, puisqu'en fait, toute la dynamique, les travails du capitalisme pharmacopornographique est vraiment une modulation de la subjectivité à travers l'addiction. Et donc notre rapport au capitalisme, c'est un rapport addictif. C'est la modalité de la subjectivité du XXe siècle. En fait, c'est pas moi que je suis pas en train d'inventer quelque chose. J'y suis pour rien. Voilà. On dit ici aux États-Unis que vous avez créé une nouvelle philosophie, une philosophie playboy. Qu'est-ce que vous en pensez ? I've always been interested in a lot of... Eh bien, ces sujets m'ont toujours intéressé. Ma formation universitaire dans l'Illinois a été la psychologie, la recherche sociale. J'ai toujours été intéressé par les problèmes humains, par les problèmes que pose la vie en société. Il y a quelques années, nous sommes arrivés à un point où Playboy s'est tellement développé et il se dégageait en même temps des traits tellement particuliers, tellement caractéristiques de notre public, qu'un certain nombre de gens se sont mis à discuter et à analyser le phénomène Playboy d'un point de vue social. On a voulu définir ce que défendait et représentait Playboy. J'en suis d'ailleurs venu personnellement à penser que si l'on devait absolument m'approuver ou me condamner, j'aimerais autant que ce soit pour ce que je crois vraiment, plutôt que pour ce que l'on suppose que je crois. En réalité, si l'on vient au Playboy, ce n'est pas tant pour les idées philosophiques de M. Hefner que pour les Bunnies. La catégorie de sexe est une catégorie totalitaire qui, pour prouver son existence, a ses inquisitions, ses cours de justice, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses mutilations, ses exécutions, sa police. Elle forme l'esprit tout autant que le corps puisqu'elle contrôle toute la production mentale. Elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle. C'est la raison pour laquelle nous devons détruire les sexes en tant que réalité sociologique si nous voulons commencer à exister. Thank you. vous avez reconnu le texte dont je viens de lire un extrait, Paul Preciado? Ça pourrait être en fait du féminisme révolutionnaire, de lesbianisme révolutionnaire, ça pourrait être Monique Wittig. C'est tout à fait Monique Wittig, voilà. Bravo, en quatre lignes. Voilà, qu'il y en a. Donc après avoir entendu la voix de Hugh Hefner, l'inventeur de Playboy. Ouais, Hefner et Wittig, quelle belle rencontre. N'est-ce pas? Je crois que c'est peut-être la première fois qu'ils ont l'air de dialoguer ensemble. Donc le premier en 67 qui tient à sa philosophie Playboy. Hein, et puis finalement l'intervieweuse qui dit oui, bon, c'est surtout les bonnies quand même Playboy, c'est pas la philosophie. Et Monique Wittig, et donc ça c'est la catégorie de sexe, hein, c'est la pensée straight, hein, première publication en 92. Qui en appelle purement et simplement une abolition de la catégorie de sexe pour enfin commencer à exister. Vous la suivez ? Tout à fait. En fait, je pense que je suis pas le seul en fait à être inspiré par Monique Wittig. Je suis Monique Wittig dans beaucoup de choses en fait. Par contre, évidemment, son cadre d'analyse était marxiste. Alors que moi, je suis pas uniquement marxiste. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un point très intéressant. Parce qu'en fait, au moment où Wittig a commencé à travailler, parce que les textes, en fait, il a été publié en 92. Mais en fait, il est bien antérieur. C'est-à-dire qu'il a été écrit au début des années 80. Et même prononcé à New York, en fait, en 82, quelque chose comme ça. Donc, c'est un texte extrêmement important. À cette époque, il y a, dans les lesbianismes révolutionnaires, et je pense que c'est intéressant de penser qu'il y a un lesbianisme révolutionnaire, c'est-à-dire que le lesbianisme ou la philosophie lesbienne, parce que quand on dit philosophie lesbienne, d'ailleurs en France, ça pourrait être la crise, non, comment c'est impossible. Et non, philosophie lesbienne, c'est la même chose que quand on dit théorie queer, c'est pas, il faudrait dire d'ailleurs philosophie lesbienne, c'est plus classe, quoi. Et surtout, en fait, ça convient mieux à ce que fait quelqu'un comme Monique Wittig, en fait, si vous voulez. Être lesbienne pour Monique Wittig, c'est pas une pratique sexuelle. C'est-à-dire qu'elle va faire une analyse de l'hétérosexualité en tant que régime politique. Et à partir de ce moment-là, être lesbienne, c'est vraiment une forme de contestation politique. Et on est dans un moment, dans les années 70, début des années 80 aux États-Unis surtout, mais aussi en France, parce que les mouvements ont été aussi importants en France, c'est-à-dire avec les phares, avec Guy Hockenheim, avec Françoise Aubonne, avec Delphi. À l'époque, elle était vraiment beaucoup plus radicale en fait qu'elle est aujourd'hui. Enfin, les choses ont beaucoup changé, mais en tout cas, les Gouin Rouge, c'est-à-dire que c'était un moment. Je dirais en fait un moment où les gens ont quand même été capables de penser la transition. C'était ces moments, effectivement, beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on va être forcé de la penser parce qu'il n'y a pas, on peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire si on continue en fait à travailler avec une définition nécropolitique de la souveraineté des sujets, de la subjectivité, je pense que c'est bientôt, en fait, la fin de l'humanité telle qu'on la connaît et probablement de la planète, en fait. Alors, il nous reste très peu de temps, malheureusement, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais vous reviendrez, Paul Preciado. Un dernier point quand même, quand vous dites oui, bah, je suis d'accord avec Monique Wittig quand elle dit qu'il faut abolir complètement la catégorie de sexe. Que faites-vous des personnes qui vont vous dire, mais moi, cette catégorie me va très bien, je suis née avec un sexe qui me convient, et même, je tiens à cette catégorie pour me définir. Est-ce que le discours que vous tenez n'a pas forcément, du coup, pour conséquence pour ces gens-là, de donner l'impression que vous savez mieux qu'eux ? Mais non, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes soumis à une norme. Mais non, en fait, il faut enlever la catégorie. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est qu'en fait, les gens qui se trouvent très très bien dans la catégorie des genres, c'est parce qu'ils s'exercent une certaine forme de pouvoir. Je suis désolé de le dire. C'est-à-dire que donc c'est les personnes qui détiennent un pouvoir dans la société qui vont bien se sentir dans leur sexe. Non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que c'est que à partir des moments où effectivement vous êtes d'accord avec la catégorie du genre, c'est-à-dire comme si vous êtes d'accord avec la catégorie des races, je suis désolé de le dire, mais en fait. Et pour vous c'est pareil. Bah oui, c'est absolument pareil. C'est-à-dire je pense que c'est crucial en plus de penser à ces rapports constitutifs entre l'épistémologie raciale et l'épistémologie des sexes. Et je pense qu'on pourra aller vers une transition politique uniquement à travers une déconstruction de ces deux catégories ensemble. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est évidemment un scandale. Personne ne dirait en fait sur ces tables à France Culture, bah oui, je suis très bien dans ma race et je suis totalement d'accord avec la catégorie des races. Ben non, les gens diront, mais ouais, je suis franchement, quelle est. Et même si après, les pratiques, évidemment, pourront être racistes, hein, on est bien d'accord. Mmh. Mais en tout cas, personne serait capable d'affirmer ça comme ça. Par contre, en fait, les problèmes avec la catégorie du sexe, c'est qu'on est encore dans vraiment une incapacité de penser la complexité des pratiques des pouvoirs. C'est-à-dire que comment on peut être aujourd'hui encore, si vous voulez, en France et partout en Europe et évidemment aussi en Amérique latine, au centre d'une crise des féminicides, c'est-à-dire des femmes qui sont tuées constamment parce qu'elles sont femmes. Des trans, et surtout des femmes trans, qui sont tuées constamment parce qu'elles sont femmes trans. Donc comment, au centre de cette société absolument patriarcale, hein, mais il faut dire qu'est-ce qu'on dit quand on dit patriarcale, c'est-à-dire ce qu'on dit, c'est une société dans laquelle les hommes définissent la masculinité par rapport à l'usage des techniques de violence. C'est-à-dire qu'il y a une définition nécropolitique de la masculinité. Donc je suis, à partir de ces moments-là, moi je pense qu'il faut dire effectivement l'assignation sexuelle à la naissance est un acte de discrimination politique. Et je pense qu'on devrait, cette transition, mais je suis désolé de vous dire, hein, parce que je sais que vous résistez, mais ça va arriver, en fait. Vous parlez à qui, là, vous résistez? Aux auditeurs? En fait, je pense aux gens qui s'accrochent à la catégorie du sexe, hein, et que je pense qu'ils se disent, ouais, c'est impossible. Bah, je suis désolé, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est-à-dire les coups, il a été porté techniquement, épistémologiquement, déjà dans les laboratoires et pharmacologiques et scientifiques. Donc c'est pas les trans qui ont porté les coups, en fait, si vous voulez, au régime patriarcal. Malheureusement, j'ai rien voulu, mais c'est pas nous. Hein. Merci Paul Précédent d'être venu nous parler de transition aujourd'hui. On se quitte avec Mickey Blanco, My Nene. That's my case, shorty so bad. Walk into a room, making all these niggas mad. That's my name, that's my name, that's my name, that's my ass. That's my ace, shorty so bad. All these niggas want, but they know they can't have. That's my name, that's my name, that's my name, that's my ass. Chris, why you keep doing me like this? My baby, sorry, I take it back. Fuck you, shit, I don't want your ass. My why you gotta put me on blast? Baby, please come home real fast. That's my ace, shorty so bad. Walk into a room, making all these niggas mad. That's my ass. That's my ace, shorty so bad. All these niggas want, but they know they can't have. Su culo è sperme. Tu hai magica. Su culo è sperme. Tu hai magica. Su culo è sperme. Tu hai magica. Su culo è sperme. Tu hai magica. Su culo è sperme. Tu hai magica. Su culo è sperme. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous poursuivez votre exploration de la rentrée philosophique. Oui, la semaine dernière, je vous ai fait un petit tour d'horizon des sorties philo de la rentrée, alors que les grands thèmes qui se dégagent des 257 essais parus ou à paraître sont l'écologie, l'intelligence artificielle, l'éducation, la religion et les gilets jaunes. La philosophie, elle, se démarque en misant sur l'indignation et le divertissement. Mais il m'a semblé que m'en tenir à ces deux thèmes et tonalités était insuffisant, car oui, à regarder plus attentivement cette rentrée philosophique, on voit que celle-ci ne se contente pas de se pencher sur l'époque, sur ses traits saillants, son état d'esprit, ses travers, mais qu'il y a aussi toute une tentative plus spatiale, dirons-nous, plus matérielle d'habiter l'époque. Où vivons-nous? Quelle est notre architecture? Qu'est-ce qui peuple nos existences? Quel rapport au monde pouvons-nous entretenir? Ou tout simplement, qu'y a-t-il dans nos têtes? Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. L'éducation, mais d'abord la culture. Dans Quelque chose dans la tête, Denis Cambouchenard, alors je précise que c'est Charles de Gaulle qu'on a entendu, pas Denis Cambouchenard. Pas Denis Cambouchenard. Donc Denis Cambouchenard, dans Quelque chose dans la tête, spécialiste de Descartes, s'interroge sur ce qu'est transmettre. Mais il s'interroge avant tout, dans une première partie, sur ce qu'on a dans la tête. Idées claires, images, opinions, de quoi est faite notre intelligence, qu'est-ce qui nous prend la tête, quelle culture déployer et construire pour chacun d'entre nous. Et à côté de cette philosophie de l'esprit qui ausculte la matière qui habite nos têtes, on trouve dans les parutions de cette rentrée d'autres partitions plus classiques de la discipline. Philosophie morale avec Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal de Laurence de Villers qui fait son apologie des gentils, une épistémologie avec Jean-Marc Ferry qui manipule la texture du réel ou une philosophie métaphysique, celle-ci se voyant réhabilitée avec le manifeste métaphysique de Raphaël Liogé et de Quesada. Alors c'est un manifeste écrit sur un mode presque pamphlétaire. Il brandit la métaphysique, ringardisée par la fin du XXe siècle, comme la pensée de l'insoumission aux monuments dogmatiques identitaires ou institutionnels. Parce qu'on a vu des individus qui roulaient sans permis. Parce qu'on a vu des hommes d'affaires trouver leur bonheur dans seulement 10 mètres carrés. Parce qu'on a vu des couples qui ne supportaient pas d'être séparés plus de 3 secondes. Parce que nous accueillons chaque jour le monde entier, nous améliorons sans cesse notre service. Aéroport de Paris, le monde entier est notre invité. Réinvestir des champs oubliés comme la métaphysique malmenée ou explorer de nouvelles terres, c'est aussi ce qu'on rencontre avec En escale, chronique aéroportuaire de Bruce Bégout. Le philosophe accoutumé au quotidien et aux espaces communs a expérimenté les aéroports, lieux de transit, de passage, sans chez soi possible. De quoi sont faits ces lieux que l'on traverse? Peut-on dire qu'on les habite? Comment et pour qui sont-ils construits? De quoi sont faits les lieux où l'on vit? C'est aussi tout le sens de l'impressionnante philosophie de l'architecture de Ludger Schwartz, qui pense l'espace comme une des conditions de possibilité de la démocratie. Architectonique du pouvoir, espace public et occupation révolutionnaire informent cet essai de philosophie politique qui mise sur la structure géospatiale de nos engagements. Enfin, une autre manière d'habiter le monde ou de voir de quoi est fait notre esprit est une manière plus esthétique. Son, musique, bruit, quelle est la voix de la pensée, quels sont ses accents, ses échos, ses cris, ses murmures. C'est le sujet du très beau livre de François Nudelman, Penser avec les oreilles. Alors on y apprend que Nietzsche a préféré la Carmen de Bizet à Wagner, que Derrida a tué son accent pour entrer dans la parole neutre, ou que Thoreau aimait écouter les cloches des églises environnantes. Au fil des pages apparaît ainsi que la pensée, pour être sérieuse, n'a pas besoin d'être muette, blanche ou neutre. On espère que ces essais feront donc grand bruit dans les semaines à venir. Ben ça c'est sûr Géraldine, et puis on va réécouter votre chronique pour avoir la liste de tous ces essais. Puis j'en profite pour annoncer ce que je n'ai pas fait à la fin de l'émission, Un appartement sur Uranus, le livre de Paul Précédo qui était mon invité aujourd'hui, qui est encore en studio avec nous. C'est aux éditions Grasset. Merci Géraldine. Et merci à Jules Barbier qui m'a aidé à préparer cette émission, avec Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine à la prise de son aujourd'hui. C'est Cindy Le Grumelec à la lecture des textes aujourd'hui, c'était Thibaut de Montalembert. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la transition. Demain, on parlera de transition écologique en compagnie de Dominique Bourg, écologie avec ou sans transition. Ça, ce sera demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux. L'équipe des chemins de la philosophie anime un compte Instagram, Facebook, Twitter. On attend vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h, donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.